Troisième partie, chapitre 13 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales, troisième partie, chapitre 13, avis pour conserver la chasteté. Ayez toujours une grande attention sur vous, pour éloigner promptement tout ce qui peut porter quelque attrait à la volupté, car c'est un mal qui se prend insensiblement et qui, par de petits commencements, fait de grands progrès. En un mot, il est plus aisé de le fuir que de le guérir. La chasteté est ce trésor que saint Paul dit que nous possédons dans des vases bien fragiles, et véritablement, elle tient beaucoup de la fragilité de ces vases, qui, pour peu qu'ils se heurtent les uns contre les autres, courent risque de se casser. L'eau la plus fraîche que l'on veut conserver dans un vase y perd bientôt sa fraîcheur, si quelque animal y a tant soit peu touché. Ne permettez donc jamais, filoter, et défendez-vous à vous-même, tout ce badinage extérieur des mains, également contraire à la modestie chrétienne et au respect que l'on doit à la qualité ou à la vertu d'une personne. Car bien que peut-être on puisse absolument conserver un cœur chaste parmi ses actions, qui viennent plutôt de légèreté que de malice, et qui ne sont pas ordinaires, cependant, la chasteté en reçoit toujours quelques mauvaises atteintes. Au reste, vous jugez assez que je ne parle pas de ces attouchements malhonnêtes qui ruinent entièrement la chasteté. La chasteté dépend du cœur comme de son origine, et sa pratique extérieure consiste à régler et à purifier les sens. C'est pourquoi elle se perd par tous les sens extérieurs, comme par les pensées de l'esprit et par les désirs du cœur. Ainsi, toute sensuation que l'on se permet sur un objet déshonnête et avec esprit de déshonnêteté est véritablement une impudicité. Jusque-là, que l'apôtre disait aux premiers chrétiens, « Mes frères, que la fornication ne se nomme pas même entre vous. Les abeilles non seulement ne touchent pas à un cadavre pourri, mais fuit encore la mauvaise vapeur qui en exhale. Observez, je vous prie, ce que la Sainte Écriture nous dit de l'épouse des Cantiques, tout y est mystérieux, la myrrhe distille de ses mains, et vous savez que cette liqueur préserve de la corruption. Ses lèvres sont bandées d'un ruban vermeil, et cela nous apprend que la pudeur rougit des paroles tant soit peu malhonnêtes. Ses yeux sont comparés aux yeux de la colombe à cause de leur netteté, et elle a des pendants d'oreilles qui sont d'or, et ce précieux métal nous marque la pureté. Son nez est comparé à un cèdre du Liban, dont l'auteur est exquise et le bois. Telle doit être l'âme dévote, chaste, nette, pure et honnête en tous ses sens extérieurs. À ce propos, je veux vous apprendre un mot bien remarquable que Jean Cassien, un ancien père, assure être sorti de la bouche de saint Basile, qui, parlant de soi-même, dit un jour avec beaucoup d'humilité « Je ne sais ce que sont les femmes, cependant je ne suis pas vierge. » Certes, la chasteté se peut perdre en autant de manières qu'il y a de sortes d'impudicité, lesquelles, à proportion qu'elles sont grandes ou petites, l'affaiblissent ou la blessent dangereusement, ou la font entièrement périr. Il y a de certaines libertés indiscrètes, badines et sensuelles, qui, à proprement parler, ne violent pas la chasteté, mais qui l'affaiblissent et l'amollissent, et qui en ternissent l'éclat. Il y a d'autres libertés, non seulement indiscrètes, mais vicieuses, non seulement badines, mais déshonnêtes, non seulement sensuelle, mais charnelle, qui du moins blesse mortellement la chasteté. Je dis du moins parce qu'elle périt entièrement, si cela va jusqu'aux derniers effets du plaisir voluptueux. Alors la chasteté périt d'une manière plus indigne que méchante, et plus malheureuse que quand elle se perd par la fornication, même par l'adultère et par l'inceste. Car, quoique ces dernières espèces de la brutale volupté soient de grands péchés, les autres, comme dit Tertullien dans son livre de la pudicité, sont des monstres d'iniquité et de péché. Or, Cassien ne croit pas, ni moi non plus, que saint Basile ait voulu s'accuser d'un dérèglement pareil, quand il dit qu'il n'était pas vierge, et je crois avec raison qu'il n'entendait parler que des seules pensées voluptueuses qui ne font que salir l'imagination, l'esprit et le cœur, dont la chasteté a toujours été si chère aux âmes généreuses qu'elles en ont été extrêmement jalouses. N'ayez jamais de commerce avec des personnes dont vous connaîtrez que les mœurs soient gâtées par la volupté, surtout quand l'impudence est jointe à l'impureté, ce qui arrive presque toujours. L'on prétend que les boucs touchant seulement de la langue les amandiers, qui sont doux de leur espèce, en rendent le fruit amer. Et ces âmes brutales et infectes ne parlent guère à personne, ni de même sexe, ni de sexe différent, qu'elles ne fassent un grand tort à leur pudeur, semblables aux basiliques qui portent leur venin dans leurs yeux et dans leur haleine. Au contraire, faites une bonne liaison avec les personnes chastes et vertueuses, Occupez-vous souvent de la lecture des livres sacrés, car la parole de Dieu est chaste et rend chaste ceux qui l'aiment. C'est pourquoi David la compare à cette pierre précieuse, qu'on appelle topaze, et dont la propriété spéciale est d'amortir l'ardeur de la concupiscence. Tenez-vous toujours auprès de Jésus-Christ crucifié, soit spirituellement par la méditation, soit réellement et corporellement par la Sainte Communion. Vous savez que ceux qui couchent sur l'herbe nommée Agnus Castus prennent insensiblement des dispositions favorables à la chasteté. Pensez donc que, reposant votre cœur sur notre Seigneur, qui est véritablement l'agneau immaculé, vous trouverez bientôt votre âme, votre cœur et vos sens entièrement purifiés de tous les plaisirs sensuels. Fin du chapitre 13, troisième partie.